phénomène au mic, ma couille. Aïe, mauvais tune, AFD. Aseptise ta bouche avant de dire mon nom. Respecte la pureté de ma haine. Ça pue la zep vainée. Serait-ce encore ce foutu phénomène? Pareil comme pour cogner une aqua malienne. Rime highway, high-tech, indemne. M'amène, intact, maniaque, flow criminogène. Montre le son si ça gêne mon génie. Un beau jour mon encre est devenue acide. Quand j'ai su ce que papa m'a pas dit. Voir derrière les blocs rend intrépide. Mais y'a pas d'oseille dans la panique, ma couille. Je vais devoir mettre plus d'un sourdine. Comme le regretté Massoud qui peut être ma choune. Mauvais choune, parce que ma guette kiffe qu'on respecte ses thunes. Qui sort les mauvais FDY? Choune pour ma guette. Phénomène, ma peine, ma joie, soulevez vos têtes. Un peine. Qui sort les mauvais FDY? Choune pour ma guette. Phénomène, ma peine, ses voix, vos têtes. Savent mes initiales, les sceptiques seront ma punition. Style, Val d'original, session de malade mental. Exotique bouché sur ma table de travail. Vous avez posé vos fesses, j'ai testé avant vous de la merde, les SOS. C'est vous et moi sans police, comme dans ma rue tard. Les bégaiements font des tâches sur les pare-brises. Boucher que je vous loupe, vomi ta soupe. Décoince ton cul, t'es pangé avec ma couille. Nique la mande pour la troupe, mon rime électrochoc. Le rap peut pas mourir tout de suite. J'ai pas pris mon argent, et tellement de mecs derrière moi qui voudraient manger mon mic. Dis au CSA de glorifier mon rap dans ce monde zoophile, ma guette philosophie. Aïe, qui sort les mauvais FDY? Tune pour ma guette. Phénomène, ma peine, ma joie, soulevez vos têtes. Un peine. Qui sort les mauvais FDY? Tune pour ma guette. Phénomène, ma peine, ses voix, vos têtes. D'entrée, c'est pas un retour, c'est un forçage. Je lui pour la totale, elle est qu'au corsage. Je veux lui blanchir la dorsale, on dit qu'elle adore ça. Good news pour ma Gwen New, je galère à prendre la vie. J'ai des textes comme ce loi qui arrive en exclu ici. Bienvenue dans mon album. Rythmique, sismique, mis en place au trou de mes premières tobacco. J'ai les kilos pour lever l'embargo. Ah, social, mon carcan. Donne-leur un beat qui soulève leur tête en même temps. Comme si c'était dans le même clan, le temps d'une vérité. Poche vide et sale blindée. Boucave pas si terrain porte plein. Verbal guillotine. Boucave pas si ta tête porte plein. Aïe, qui sort les mauvais FDY?